Hey Scylla, désolé pour le retard, mais je suis tombé sur ton morceau ce matin pour la première fois. Surpris que personne t'ait jamais répondu. Alors si tu veux bien, je vais essayer de te donner mon point de vue. V'là ma réponse perso. Si nos solitudes n'étaient que passagères, elles pourraient peut-être nous assagir, rendre moins durs ces caractères qui souvent nous font mal agir, saccager, ravager nos entourages et nos parages, éviter les dommages des tapages qu'on aime tant s'infliger, prendre un peu de recul pour se donner de l'élan, que chacun de nous se recueille pour faire un peu son bilan. J'ai l'impression qu'il n'y a plus question, que l'introspection guide les actions, que plus personne ne se donne le temps de la digestion. Donc juste, pardonne-moi de m'éloigner du sujet, mais il y en a plus d'un comme moi qui témoigne d'être grugé par toute cette technologie, censée rassembler les gens, mais qui en fait dans les logis comme dehors nous rend étrangers, chaque voisin, chaque prochain, et du coup là on se rejoint, plein de réseaux pour se rapprocher, des amis et des conjoints, mais les regards s'esquivent, chacun sur sa presqu'île, donc laisse-moi m'offusquer des liens qu'ils nous confisquent. Quitter ce continent, partir à l'aventure, j'y pense obstinément, mais l'orgueil me censure. Nos vieux se sont tellement battus pour qu'ici ça reste vivable, qu'abandonner le combat, t'as vu, serait funeste et minable. On est né ici, on lutte ici, et même si c'est difficile, il faut bien qu'on officie contre leurs officines, affaisser le faisceau des fils aux faces façonnés par cette farce facile qui nous faussait nos faux soies. Pas la gueule du métier, moi j'en ai même pas l'air, le game fait pas de quartier, pourtant j'ai eu mon lot de galère. Content d'être encore entier après tous mes malheurs, moi je merdais pas qu'à moitié, le bonheur je connais sa valeur. Tant d'efforts pour pas plier, un jour j'en toucherai le salaire, tellement de chapitres à relier entre mes intercalaires. Je laisse s'écouler le sablier dans l'attente du jour de l'heure, espérant voir réconcilier mes espoirs et mes douleurs. Ouais, je suis sensible et me sens ciblé par les constats que tu poses, ils sont si semblables à ceux que je fais qu'assembler dans mon parcours de sembler. J'aimerais montrer l'exemple, mais j'ai que des sales phases à sampler. Tu parles d'envie de meurtre, je te garantis que ça me connaît, mais par bonheur, ma rage se heurte à celui qui a su me redonner la foi d'affronter ce monde et d'apprendre à pardonner. Que sa miséricorde inonde les cœurs jusqu'à les raisonner. Quant à ceux qui vivent sans croire aux cieux, tant pis, je pense que si on n'a pas tous un dieu, comme tu dis, reste nos démons. Associés tous ensemble contre la science des puissants, on pourrait peut-être gagner le jeu par lequel ils nous rendent dément. C'est à partir des bonnes réponses que s'en suivent les bonnes questions, c'est pas le moment de jeter l'éponge, on doit poursuivre nos réflexions. Esselés dans le silence, on laissait ça l'eau nous salir, mais tous alliés, on serait solides. Je te dédicace Céline Scylla.